Mosaïque. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette émission Mosaïque. Aujourd'hui, ce sera pour parler éducation, plus précisément l'éducation pour tous les enfants au Burundi. Le 16 juin de chaque année, le monde célèbre la journée de l'enfant africain. Une journée qui a été instituée en 1991 en mémoire du soulèvement étudiant du 16 juin 1976 à Soweto, en Afrique du Sud. Ces étudiants ont manifesté pour protester contre la mauvaise qualité de l'enseignement qu'ils recevaient. Le thème retenu cette année 2024 au niveau africain est « L'éducation pour tous les enfants en Afrique, l'heure est venue ». Selon les statistiques de l'UNESCO, 20% des enfants âgés de 6 à 11 ans, 30% des enfants âgés de 12 à 14 ans et 60% de ceux âgés de 15 à 17 ans ne sont pas scolarisés en Afrique. Et qu'en est-il alors au Burundi? État des lieux, défis et perspectives. Pour décortiquer le sujet, quatre invités sont avec nous sur le plateau. Docteur Sixte Vigny Nimuraba, vous êtes le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci aussi pour ceux qui sont venus se joindre à nous. Merci. Marizi Hatungimana, vous êtes la directrice de l'éducation préscolaire et de la petite enfance au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup de l'invitation. David Ninganza, vous opérez dans le domaine du droit de l'enfance à travers l'organisation SOGEPAE. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et puis, il y a vous, Alexis Ndaïzeguié, psychopédagogue. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Le duo Albert Ndouayo et Innocent Bibonimana assure la mise en onde. Vestine Boutoui est à la réalisation, à la présentation. Vous retrouvez Léonce Bitariho. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Isanganiro. Je précise pour commencer que l'émission est réalisée par la radio-télévision Isanganiro en collaboration avec la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle. Et tant que nous sommes là, Dr Sixte Vigny Nimuraba, vous êtes le président de cette Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Quelle serait votre lecture à cette thématique? Nous parlons droit à l'éducation. Quelle serait votre lecture par rapport à cette thématique, l'éducation pour tous au Burundi? Merci beaucoup. Je dois souligner que je remercie d'abord le gouvernement du Burundi pour les efforts déjà consentis dans la promotion des droits de l'homme en général, mais aussi l'éducation des enfants en particulier, parce que il y a beaucoup de textes qui soutiennent l'éducation pour tous, mais des défis ne manquent pas. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter avec les collègues. Merci. Des textes, oui, mais en pratique, c'est comment? En pratique, il y a beaucoup de défis. Là, je peux signaler par exemple les cas d'abandon scolaire. Je peux signer la pauvreté qui peut avoir un impact négatif sur l'éducation des enfants, les enfants en situation de rue, les grossesses précoces, les châtiments corporels. Il y a le travail des enfants, il y a la mendicité, il y a le handicap, mais aussi l'immigration ou bien même l'émigration qui peut avoir des impacts sur l'éducation des enfants. Quand on parle d'éducation inclusive, de qualité, gratuite, tout au moins au niveau du fondamental, est-ce une réalité au Burundi selon vous? Dans la loi, oui, mais en pratique, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Ce n'est pas seulement parce que l'éducation est gratuite, parce que les familles ont un besoin de fournir d'autres choses, comme l'alimentation, comme l'habillement, et d'autres besoins que les enfants doivent avoir pour pouvoir continuer l'éducation. Il y a les enseignants qui doivent être dans une situation plus ou moins acceptable économiquement, mais aussi avoir des compétences intellectuelle qui facilite à ce qu'ils puissent transmettre la matière aux enfants. Il y a des établissements scolaires publics et ceux privés. Est-ce que la qualité, l'inclusivité, tout ce dont on est en train de parler, est-ce que c'est observé au même pied d'égalité? C'est pas au même pied d'égalité, mais ça serait difficile de dire, surtout que pour les privés, il y a des privés qui sont de loin inférieurs au niveau d'éducation aux écoles gouvernementales. Mais Et aussi, il y a des privés qui sont de loin avancés par rapport au gouvernement. Donc, ça dépend de quel institut. Et je vais adresser là où les mêmes questions à vous et tout le plateau en général. Madame Marizi Hatungimana, directrice de l'éducation préscolaire et de la petite enfance au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Quand il faut parler du droit à l'éducation, votre lecture, vous vivez ces situations au quotidien, votre lecture par rapport à cette éducation pour tous au Burundi, c'est comment? Merci beaucoup de la question. Je dis que la qualité de l'éducation pour tous aujourd'hui au niveau du ministère de l'Éducation, je dirais qu'elle est assurée. Elle est un peu assurée, bien sûr, par rapport aux années antérieures. Parce qu'aujourd'hui, on a déjà les enfants qui commencent l'enseignement, je dirais, l'éducation préscolaire depuis la petite enfance, depuis les structures préscolaires jusqu'à l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que les enfants de 3 ans, à partir de 3 ans, tous ces enfants ont droit à l'école. On a déjà entamé avoir des structures préscolaires dans presque toutes les écoles fondamentales pour que tous les enfants en âge préscolaire et scolaire aussi aient les mêmes chances d'égalité de commencer l'école. Est-ce que sur nos collines à l'intérieur du pays, est-ce que c'est observé cet enseignement préscolaire? Aujourd'hui, c'est presque observé. Dans les années passées, les structures préscolaires étaient concentrées dans les villes, dans les milieux urbains. Mais aujourd'hui, même dans les milieux ruraux, nous avons déjà des structures préscolaires. Oui. À quelle échelle, à quel niveau vous êtes que cet enseignement préscolaire est observé? À quelle échelle? 60%, 70%, 80%, c'est comment? Je dirais que c'est 70%. Parce qu'il y a quand même des écoles fondamentales qui n'ont pas des structures préscolaires, mais ce n'est pas beaucoup par rapport aux années antérieures. Je dirais aujourd'hui, toutes les directions provinciales scolaires organisent ces structures préscolaires. Dans toutes les DC, dans toutes les directions communales, nous avons des structures préscolaires. Et la gratuité de l'enseignement? La gratuité de l'enseignement au niveau de l'éducation préscolaire, c'est gratuit. C'est gratuit. Que ce soit au niveau de l'éducation préscolaire, que ce soit au niveau de l'enseignement fondamental. Fondamental. C'est gratuit. Quand on parle de fondamental, c'est jusqu'à 9e ou 6e? Oui, c'est de la première année jusqu'à 9e. Jusqu'à 9e, c'est gratuit. Oui. Et ces frais qu'on fait payer, il y a des responsables d'établissements scolaires qui font payer certains frais aux parents, aux enfants. Pourquoi ça? Je dirais que par rapport aux frais exigés pour qu'il y ait un enseignement de qualité, les frais qui sont exigés, ce n'est pas la direction qui exige, ce n'est pas le ministère qui exige. C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons une école communautaire. Chaque parent doit contribuer pour que son enfant doive suivre réellement l'enseignement comme il faut. Parce que si l'État disponibilise les enseignants, disponibilise le manuel scolaire, disponibilise, je dirais, les salles de classe et ainsi de suite, je ne dirais pas que ce n'est pas gratuit. Par exemple, si on va dans les pays proches, par exemple le Congo, c'est le parent qui doit s'organiser, qui doit chercher tous les moyens possibles pour que son enfant étudie. Donc, ce n'est pas la même chose que... Et qu'en est-il, Madame Malizé Atungimana, quand il faut parler de ratio élève-enseignant, budget alloué à l'éducation, à cette rubrique éducation pour tous, s'il y en a? Disons, l'enseignant doit avoir combien d'enfants devant lui dans une salle de classe? Dans les conditions normales, l'enseignant devrait avoir au moins 60 élèves par salle de classe. Ou au plus? Au plus 60 élèves. Mais aujourd'hui, n'oubliez pas que le taux de fécondation du pays au niveau de la communauté et avec les moyens qu'on dispose. Ça dépasse. Nous avons beaucoup d'enfants qui doivent, parce que nous sommes dans l'éducation pour tous, tous ces enfants doivent aller à l'école. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut observer que dans les salles de classe, la ratio à l'élève enseignant, ça peut dépasser 60. Ça peut parce aller que, jusqu'à 100 ou même plus, n'est-ce oui, pas? Oui, je sais. Ça peut dépasser même ça. Et ça influe sur la qualité. Oui, je comprends. C'est pourquoi tout le monde devrait travailler pour qu'on ait des salles de classe suffisantes, mais aussi des enseignants pour que aussi on puisse avoir tous ces enfants en âge scolaire qui doivent aller à l'école. Est-ce qu'on va dire que ce sont les enseignants qui manquent ou les salles de classe qui manquent? Parce qu'il y a des lauréats des universités, de secondaires qui sont dans la rue, qui c'est sont pas dans le chômage. Ce n'est pas seulement les enseignants, ce n'est pas seulement les salles de classe, c'est parce que nous avons beaucoup d'enfants aujourd'hui. aller dans les salles de classe des premières années, des deuxièmes années. Mmh. Aujourd'hui, on enregistre plus de 100 élèves qui commencent la première année. Mmh. Et dans ce cas, on ne peut pas limiter les enfants, dire que je vais avoir 60 élèves et les autres les laisser partir. Mmh. Nous sommes dans l'éducation pour on doit accueillir tous les enfants qui viennent, qui sollicitent l'école. Mmh. Oui. David Ninganza, vous opérez au sein de l'organisation Sojepaye pour une organisation qui lutte en faveur du droit de l'enfance au Burundi. Votre point de vue par rapport à cette éducation pour tous dont on est en train de parler pour le cas présent, c'est comment? Merci beaucoup. Ah, c'est vrai, c'est vraiment une belle question. Éducation pour tous, oui. L'éducation est gratuite, mais n'est pas obligatoire. Car l'éducation, l'école n'est pas obligatoire. L'éducation n'est pas obligatoire. L'école n'est pas obligatoire. L'école est gratuite, mais n'est pas obligatoire. Quand elle n'est pas obligatoire, il est difficile de comprendre qu'on perd ici l'éducation pour tous. Pourquoi? Quand il y a une loi régissant l'école obligatoire, c'est-à-dire qu'il y a des textes d'accompagnement qui montrent qui fait quoi, pourquoi cet enfant n'est pas à l'école. Aujourd'hui, on observe des enfants en débandade, des enfants qui ont abandonné l'école, mais qui avaient embrassé l'école au départ. On voit aussi dans la rue des enfants qui n'ont pas eu la chance de fréquenter l'école. On voit aussi les enfants qui sont sous l'exploitation économique d'ici et là dans beaucoup de domaines. Au moment où d'autres sont à l'école, pourquoi tout ça? C'est parce qu'il n'y a pas une loi qui statue sur l'école obligatoire. Alors, quand il y a cette loi, il y a des textes d'accompagnement qui vont montrer qui fait quoi. Pourquoi cet enfant n'est pas à l'école? Est-ce que ce sont les parents qui ont négligé? Parce que la loi burundaise réprime la négligence des parents. Est-ce que c'est la communauté qui n'a pas joué son rôle? Parce que l'enfant, selon les Burundais, umwana numurima rusangi, la communauté, les leaders communautaires, comme celui du ministère de l'Éducation vient de redire, que l'école est communautaire, pourquoi il n'y a pas de pupitre au moment où il y a des leaders communautaires? Et pourquoi il n'y a pas de l'eau? Pourquoi il n'y a pas d'hygiène et assainissement à l'école? Parce que c'est communautaire, parce que le chef collinaire est impliqué, l'administrateur communal est impliqué. Est-ce que c'est vraiment le ministère qui doit acheter des pupitres? À la rentrée scolaire, j'étais avec le ministre à la radio-télévision nationale du Burundi. On lui a posé la question, est-ce que comment voyez-vous la constellation de l'éducation, le budget alloué à l'éducation par rapport à l'enseignement? Je me rappelle bien qu'il a dit quand même que le gouvernement a avancé, qu'il a donné 1 milliard pour acheter les pupitres. Imaginez-vous, 1 milliard... dans tout le pays, pupitres de 50 000, c'est-à-dire qu'on aura 20 000 pupitres. 20 000 20 000 pupitres, c'est-à-dire avec 115 communes, chaque commune aura sa 65, prenons 30 collines par commune, c'est la moyenne, c'est-à-dire que chaque école aura au moins 5 pupitres. 5 pupitres abritent 15 enfants. C'est-à-dire qu'au moment de l'année scolaire en cours, on a résolu la question pour 15 enfants par établissement. C'est-à-dire et vous allez dire que c'est la raison pour laquelle il y a des enfants qui se trouvent assis par terre dans des salles de classe? Ah non, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison parce qu'il y a la communauté. À côté du ministère, à côté du gouvernement, il y a la communauté. Aujourd'hui, il y a le nouveau système parce qu'il y a le comité de gestion de l'école. Et il y a ceux qui décident en collaboration avec les parents, d'acheter les pupitres. Même d'autres lieux où vous allez trouver que les enfants sont complètement abandonnés, ces lieux où ces enfants sont assis par terre, tout autour, vous allez visiter les cabarets, les lieux, dans les bistrots. Il y a des chèvres là-bas, ils consomment des boissons, ils consomment de la viande, mais leurs enfants sont... Oh, non, ne parviennent pas de décrocher les pupitres pour pouvoir étudier. Premièrement, c'est aussi une violence parce que ces enfants torturent leur colonne vertébrale. Ils peuvent avoir des problèmes de santé. Avoir une éducation pour tous, c'est tout d'abord la considération du budget par rapport à la situation hier. Combien des infrastructures, combien des enseignants affectés ou recrutés par là, combien du matériel scolaire, pédagogique qu'on dote à ces établissements. Parce que... Et ça demande des moyens, n'est-ce pas? Ah, ça demande des moyens, c'est-à-dire que le budget qu'on donne aujourd'hui au ministère de l'Éducation est négligeable. Tu vois, quand vous allez visiter les chiffres, à peu près 47% de la population sont des enfants encore qui sont sur le banc de l'école. Quand vous observez l'abandon scolaire, 10%. Des enfants abandonnent l'école chaque année. Il y a des ans, les enfants de la rue étaient estimés à 7 000. Quand vous voyez les enfants de la rue à 7 000, les enfants qui étaient sous l'exploitation économique, qui travaillaient dans les ménages, ainsi de suite, d'où est-ce que vous tirez étaient estimés à 31%. D'où est-ce que vous tirez ces chiffres, monsieur David? Ah, visitez le site de l'UNICEF où vous allez constater qu'il y a des chiffres. Même les chiffres du ministère de l'Éducation montrent le taux d'abandon chaque année. Et par province, s'il vous plaît. Ce sont vraiment des chiffres. Et vous avez dit tantôt une petite question en passant avant de me rendre chez Alexis Ndaïzeguié. Et vous avez dit tantôt que l'école est gratuite, mais pas obligatoire. Quelle responsabilité? Parents, chefs de zone, chefs de colline, administration, ministère, c'est quoi? La responsabilité incombe au gouvernement tout d'abord. Il faut qu'il y ait une loi sur l'obligation scolaire et les textes d'accompagnement qui vont orienter qui fait quoi. Ça, c'est un. Deuxième chose, malgré ça, il y a quand même d'autres avancées par le gouvernement. Quand vous allez visiter, il y a eu des constructions des écoles. Par colline, ça, on devrait vraiment en profiter. Il y a loi sur la gratuité après tout. Il y a la création des cantines pour maintenir les enfants à l'école, pour qu'il n'y ait pas de prétexte qui disent quoi, vraiment, mon enfant n'a pas mangé. Il y a aussi, je suis en train de parler, les enfants. Il n'a pas mangé à la maison, il va manger à l'école, c'est ça? Oui. Il y a aussi la formation des pères et des tantes au niveau de l'école. Ce sont des enseignants qui parviennent à détecter les enfants en problème, les enfants en difficulté, pour pouvoir chercher des solutions sages, pacifiques et durables aussi. Je vais revenir vers vous, monsieur Alexis Ndaïzeguié, psychopédagogue. Je posais cette question par rapport à cette éducation pour tous au Burundi. Ça se présente comment, selon vous? Merci pour cette question. Quand on essaie de voir, il y a vraiment la disponibilité. Et le gouvernement est en train de faire tout ce qui est à ses possibilités pour que l'éducation soit vraiment pour tous. Nous voyons dans la construction des écoles aussi, nous voyons le matériel, nous voyons quelquefois l'achat de matériel scolaire, le recrutement des enseignants. Mais le problème résiste parce que l'éducation en premier lieu est basée d'abord sur l'enseignant. L'enseignant qui doit être disponible et aussi qui doit mériter ou bien qui doit avoir des recyclages. Il y a la première question, c'est le niveau vraiment qui est observable, même le ministère de l'Éducation a évalué pour voir si quelles sont les grandes causes. Actuellement, on a vraiment vu que le niveau à travers le test, le niveau des enseignants et les enseignants ont un niveau bas au niveau de langue d'enseignement. Avoir un niveau bas pour l'enseignant, ça... Signifie quoi? Signifie que l'enseignant, par exemple, dans la langue d'enseignement, l'enseignant n'est pas en mesure de transmettre correctement à travers les questions que le ministère a élaborées, avec qu'il y a des enseignants qui ne maîtrisent pas la langue d'enseignement. Il y a des moments, des lieux où l'enseignant n'est pas à la hauteur de ses tâches, des tâches lui confiées. C'est normal. C'est normal parce que ça arrive au cas où, par exemple... Ça a un impact négatif. Ça a un impact négatif au niveau de la perception, de l'apprenant, au niveau de la maîtrise des apprentissages. Parce que les apprentissages devraient donc être l'enseignant devrait transmettre les apprentissages dans une langue qu'il maîtrise. Et aussi, l'enfant doit maîtriser aussi, de son tour, apprendre ce que l'enseignant a dit, doit maîtriser, mettre dans sa tête ce que l'enseignant a dit. C'est une des causes. Ce n'est pas vraiment... Il y a beaucoup de causes en général. Et je reviens aussi sur la parentalité. Actuellement, les parents ont vécu, nous tous, nous avons vécu des périodes de guerre. Et cela a affecté notre cerveau, notre façon de penser, notre façon d'exprimer nos émotions. Et cela, en exprimant nos émotions en tant que parents, les enfants sont affectés. Et la manière d'éduquer, la négligence parentale, ce n'est pas parce qu'ils veulent négliger, mais les parents... Donc, ils ne trouvent pas des ressources parentales suffisantes par rapport à... Mais monsieur Alexis, quand vous parlez, quand vous dites qu'il y a des enseignants qui ne sont pas à mesure de transmettre des connaissances chez les apprenants, nous apprenons qu'il y a passation de tests pour être recruté comme enseignant aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, dans ce cas, actuellement, c'est une solution qui a été élaborée. Mais auparavant... N'importe qui a besoin de l'enseignant à cause du chômage, n'importe qui pourrait donc postuler dans l'enseignement. Oui. Mais sans avoir une formation sur la psychopédagogie, la pédagogie, la façon de transmission. C'est-à-dire quoi, tout le monde ne peut pas être appelé à être enseignant. Enseigner, c'est un métier qui doit être maîtrisé. Donc c'est technique. Aussi, c'est technique. C'est plus qu'un un emploi. Ce n'est pas un emploi, c'est plutôt un métier que... Une vocation. Non, à côté de la vocation, c'est d'abord un métier que tu dois apprendre comment enseigner et par après maîtriser les apprentissages et puis par après la vocation. On peut aussi énumérer aussi l'autre cause, le niveau de vie des enseignants qui est aussi le niveau de vie de la population. Et sera un enseignant qui ne parvient pas à terminer, par exemple, joindre les deux bouts du mois, il se trouve en difficulté. Quand il n'a pas laissé quelque chose à la maison, vous voyez qu'il ne va pas transmettre de façon efficace. Donc il y a des conditions difficiles pour les enseignants qui... Pour les enseignants et aussi pour les enfants aussi, qui ne leur permettent pas de... Il faut vraiment qu'on essaie de relever au niveau des enseignants, comme dans les autres pays. Et aussi, autre chose, ça concerne le traumatisme qui est transmis de génération en génération. Un parent traumatisé par la guerre doit aussi traumatiser son enfant. Et son enfant, quand il est en classe, le cerveau traumatisé n'est pas disponible pour les apprentissages. C'est pourquoi vous observez des abandons, de taux d'abandon. Quand un parent, par exemple, quand il y a des querelles au niveau familial, l'enfant ne sera pas disponible pour apprendre. Plutôt, il va réfléchir, il va aussi prendre du temps pour penser pourquoi je suis né dans cette famille. Et puis, c'est pourquoi on voit aussi le nombre élevé d'enfants. Une petite question avant, et je vais l'adresser aux autres intervenants ici, pour parler inclusivité et qualité. Garçons, filles, handicapés, est-ce que c'est observé? Actuellement, on essaie. Ils sont en train de faire. Parle de l'éducation pour tous, il faut que ça soit une éducation inclusive, mais aussi de qualité. Ce n'est pas vraiment très observable, mais des initiatives sont en train d'être menées. Mais ce n'est pas vraiment très observable parce que dans les écoles, il y a combien d'écoles inclusives? Par exemple, on peut prendre les écoles qui enseignent les sourds muets, par exemple. Il y a combien d'écoles par province? On peut penser ça. Il y a une école à Gitega, oui. Mais c'est une seule école ou deux. Mais combien est-ce qu'il y a dans chaque province, quand on fait vraiment une évaluation, on peut voir combien d'enfants handicapés qui ont besoin de suivre la scolarité. Donc il y a vraiment peu d'enfants donc, qui bénéficient de cet enseignement inclusif. Parce que ce qui justifie ça, c'est le nombre d'écoles qui sont disponibles pour les sourds-muets, pour les handicapés. Et puis c'est comment l'école est construite, les écoles sont construites, comment actuellement, quand on essaie de voir. Docteur Sixte Vigny-Nimouraba, c'est la même question, inclusivité mais aussi la qualité, inclusivité. Donc, je vous parle des enfants bien portants et ceux handicapés, garçons et filles. Est-ce que c'est observé dans tous les établissements scolaires? Je pense que, bien qu'il y a pas mal d'efforts qui sont en train d'être fournis pour que le gouvernement puisse garantir une éducation inclusive pour tous, il y a encore des défis. C'est bien qu'il y a des écoles qui ont été construites, c'est bien qu'il y a des formations qui ont été dispensées à certains enseignants, mais le problème réside au niveau d'autres choses comme le matériel didactique qui n'est pas suffisant ou même qui peut ne pas être adéquat, mais aussi le lieu d'enseignement. J'ai vu que dans certaines écoles, on accueille les gens, les élèves handicapés et non, on les met dans la même classe. Ça, je ne pense pas que c'est approprié parce qu'ils ne sont pas en mesure d'apprendre à une même vitesse. Dans certains pays où j'ai visité, j'ai vu qu'on pouvait trouver des écoles secondaires exclusivement pour les gens qui ont un type de handicap. Des universités, il y en avait. Mais il y a des ordinateurs appropriés où vous allez taper sans devoir regarder tout qu'on sort. Il y a des autres instruments qui sont utilisés mais qui ne sont pas disponibles ici. Mais je pense que les formations qu'on dispense aux enseignants pour qu'ils puissent éduquer aussi les élèves présentant un certain nombre de handicaps ne sont pas suffisants. Je plaide pour qu'il y ait des formations, surtout à l'étranger pour les enseignants, que ce soit au niveau pré-fondamental, fondamental ou même post-fondamental, pourquoi pas même l'université, parce qu'il y a beaucoup d'universités que j'ai vues qui sont très avancées, qui peuvent influencer sur ça. Mais aussi les locaux. Les locaux, vous allez trouver qu'il y a des écoles en étage où les gens ne peuvent pas arriver, tout qu'on sort. Oui. Il faut qu'on y travaille. En termes de qualité, là, je ne peux pas rater de dire que tu ne peux pas avoir une éducation de qualité si vous n'avez pas des enseignants qui ont été éduqués bien. Je ne pense pas que les gens ont été vraiment bien formés et qu'ils ont tout ce qui était nécessaire pour qu'ils puissent vraiment dispenser. Je donne un exemple. Moi, quand j'ai étudié à l'étranger, les élèves ou les étudiants sont des amis de leurs professeurs ou de leurs enseignants. Ici, quand... Est-ce que c'est le cas? Ici au Burundi, quand le professeur passe, tous les élèves fuient. Et vous attendez psychologiquement l'impact que cela va avoir sur l'enfant. Vous devez lui enseigner la physique, mais il connaît que le professeur de physique, c'est un animal. Donc psychologiquement, il ne sera même pas à mesure de suivre cette éducation. Oui, mais en termes d'inclusivité, en ce qui est du genre, quand même, on est avancé ici au Burundi. Il n'y a pas de filles qui on oblige de rester à la maison pour faire les travaux champêtres. Donc maintenant, on voit que je pense que la directrice va nous en dire. Je pense qu'on risque même de dire qu'on a un grand nombre de filles par rapport aux garçons. Ça, vraiment, on doit féliciter le gouvernement pour les efforts qu'on fait. Au niveau du primaire, du secondaire, beaucoup de filles. Je pense que c'est partout. Est-ce que, monsieur le président de la CNIDH, est-ce qu'il vous arrive souvent de visiter les établissements scolaires pour vous enquérir de la situation? Oui, on visite les établissements scolaires et même quelquefois on donne des recommandations. Je sais qu'on n'a pas parlé d'échappements corporels qui peuvent être faits, même si c'est rare. Je dois souligner que là, vraiment... Il y en a encore. Oui, il y a des cas isolés qu'on trouve ici et là. On a toujours donné des conseils pour que ce genre de pratique soit totalement banni. Mais quand même, félicitations au gouvernement. Je sais que vous n'allez pas trouver l'enseignant là avec un long bâton pour taper. Non, ça c'est un avantage vraiment. Mais aussi, on voit au niveau des communautés, on est vraiment hautement sensibilisé à ce genre d'autres traitements, quitte à ce que même un enseignant qui ose pratiquer ça, il est vraiment dénoncé immédiatement et vous allez le trouver sur les réseaux sociaux. Il y a les organisations, la CNIDH, les organisations de la société civile qui vont se déplacer. Il y a les contrôleurs au niveau de l'éducation qui vont se déplacer. Je pense qu'il y a quelques années, ça, vous ne pouvez pas le voir. Quand on parlait d'éducation pour tous, ça englobe beaucoup de choses, mais ça demande en tout cas des moyens financiers. Est-ce que, je ne sais pas si vous êtes en contact avec le ministre ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique pour parler du budget alloué à ce secteur de l'éducation par rapport au budget général de l'État. Je pense que le budget alloué à ce secteur de l'éducation est de loin pour être suffisant. Je vous dis que même les machines qu'on doit utiliser, les ordinateurs et tout qu'on sort, je n'ai pas parlé des moyens de déplacement, je n'ai pas parlé du matériel didactique. Ce sont des choses qui coûtent. Ailleurs, les enseignants qui font les recherches, ils sont assistés. Je ne peux pas dire combien on paie, mais ici, je pense que même ceux qui font des recherches, s'il y en a encore, ils le font à leurs propres frais. Et je vous dis que ça a un impact très significatif et négatif sur l'éducation. Cette question devrait être posée aussi à vous. Marizia Tungimana, directrice de l'éducation préscolaire et de la petite enfance au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Et le budget alloué à ce secteur, ça s'élève à combien par rapport au budget général de l'État? Merci beaucoup de la question. Je dis d'emblée qu'il me sera très difficile de dire exactement le budget qui est alloué au ministère aujourd'hui, parce que je n'ai pas l'information sur moi directement, mais je sais que quand même le budget qu'on utilise aujourd'hui par rapport aux années antérieures, je ne dirais pas que c'est suffisant, bien sûr, parce que les besoins sont nombreux. Nous avons besoin de beaucoup de choses pour pouvoir arriver à la qualité de l'enseignement des apprentissages. Mais quand même, je dirais que on peut, bien sûr, on peut travailler, on peut essayer. Avec les efforts du gouvernement, on peut quand même arriver à faire quelque chose. Si je reviens à la question qui vient d'être posée à mon collègue, quand on dit que... Inclusivité, qualité. Quand on dit à l'inclusivité qu'il fallait faire, il fallait différencier, il fallait dissocier les élèves avec handicap aux autres enfants, ça serait la discrimination totale. Alors que nous avons besoin de l'inclusivité. Seulement, il faut que les enseignants qui aident ces enfants avec handicap soient formés, soient outillés pour qu'ils puissent arriver à détermination. Est-ce que les aveugles, les enfants aveugles, par exemple, peuvent être enseignés dans une même salle de classe avec les enfants bien portants? Oui, avec l'écriture de braille qu'on utilise, l'enfant aveugle peut continuer à apprendre avec les autres. Mais bien sûr, avec le temps d'apprentissage que nous avons, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est à côté de lui pour pouvoir le soutenir. Sinon, avec l'écriture de braille, l'enfant qui est avec handicap, avec... qui est aveugle, ou bien qui a une difficulté de parler, l'enfant peut comprendre, peut étudier avec les autres. Seulement, il faut qu'il y ait un temps suffisant. Aller à l'école Notre-Dame de Guitry. Mais il faut aussi des enseignants spécialisés en cette matière. Oui, il faut qu'il y ait des enseignants spécialisés pour pouvoir appuyer, pour soutenir l'enfant. Oui, parce que avec l'enseignant qui est en train d'enseigner avec tous les enfants n'est pas spécialisé avec l'écriture de braille. C'est pourquoi il faut qu'il y ait à côté un enseignant spécialisé avec l'écriture de braille qui va par après aider l'enfant avec ce genre d'handicap. Un mot à placer, M. David Ninganza de l'organisation Sogepaye, par rapport à cette inclusivité, mais aussi par rapport au budget alloué au secteur de l'éducation en général. Merci. L'inclusivité, tout d'abord, les enfants ont besoin spécifiques. Il y a des partenaires incontournables. C'est-à-dire, il y a l'école, il y a aussi la communauté, les parents. Il y a des enfants aujourd'hui qui n'accèdent pas à l'école parce que l'enfant est devenu fardeau pour la famille. Prendre l'enfant est un fardeau. L'enfant vivant avec handicap, au lieu d'être réponse, il est devenu fardeau pour la famille. Parce que ça exige beaucoup de moyens, ça exige beaucoup de temps, c'est-à-dire que le parent va rester longtemps avec l'enfant. C'est la raison pour laquelle il décide de ne pas faire inscrire l'enfant à l'école. Ça, c'est dangereux, c'est-à-dire que pour qu'il y ait l'inclusivité, même pour ceux qui sont à l'école, il faut penser à ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'embrasser l'école. Là, la balle est chez les leaders communautaires, comme je l'ai dit au départ, l'administration locale, les élus locaux. C'est la raison pour laquelle on devrait amener ces enfants à l'école, et l'école joue selon après. Quand je parle des enfants à besoins spécifiques, je veux parler d'une autre catégorie d'enfants oubliés. Si vous voulez, la question de scolarité, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la déscolarisation, l'abandon scolaire. Moi, je place la déscolarisation à quatre niveaux. Il y a la déscolarisation volontaire. Les enfants eux-mêmes qui décident donc de se retirer à l'école, peut-être ils n'ont pas de référence. Mon grand frère, lui aussi, l'a terminé. Il n'a pas de job. Je ne vois même pas l'importance, ainsi de suite. Donc, il ne voit pas de débouché. Oui. Il y a aussi la déscolarisation communautaire. Quand vous voyez des enfants employés d'ici et là à l'âge d'être scolarisés, avant même l'âge de travailler, vous trouvez que la communauté aussi joue un rôle important. Il y a aussi la déscolarisation des parents. Les parents qui prennent prétexte comme la pauvreté aiguë, mais quand même, ce n'est pas l'enfant qui doit faire vivre les parents, c'est plutôt le contraire. Ça, c'est vraiment abandon de leurs responsabilités. Il y a aussi notre déscolarisation. Vous allez dire qu'il y a des parents qui fuient leur responsabilité envers le droit de l'enfant. Ouais, envers le droit de l'enfant. Parce qu'il n'y a pas de motif qui pousse les parents de déscolariser les enfants. Le danger, c'est la déscolarisation institutionnelle. La loi burundaise souligne bien, le VBG, que l'autorité scolaire. Ici, je veux parler des enfants victimes de grossesse non désirée, les filles. Quand on dit les filles victimes... Et là, Monsieur David Ninganza, sans vous couper la parole, vous allez directement avec les défis. Donc, des défis qu'il y a dans ce secteur, c'est... Non, quand vous parlez de l'inclusivité, ce sont des enfants à besoins spécifiques. Ça, c'est une autre catégorie d'enfants vulnérables, exposés même. Même dans les textes au niveau du ministère, vous allez trouver les enfants victimes. Quand l'enfant est déjà victime, a besoin d'être soutenu, a besoin de solutions, n'a pas besoin d'être sanctionné. Alors, ces enfants sont sanctionnés. Alors, c'est l'allégrement scolaire qui dit que l'enfant victime de grossesse non désirée doit réintégrer l'école après 12 mois d'arrêtement. Imaginez-vous alors 12 mois d'arrêtement. C'est une sanction parce que, les congés prénataires, postnataires sont connus. Oh, c'est 45 jours avant et 45 jours après. Et alors, même pour l'allaitement maternel exclusif par UNESCO, plutôt l'OMS, c'est 6 mois. Alors, quand on parle de 12 mois, je ne vois pas la référence du ministère de l'Éducation. Donc, vous allez dire que juste après 6 mois, l'enfant peut retourner à l'école. Non seulement 6 mois. La loi sur les VBG souligne bien que... le responsable scolaire et académique doit réintégrer l'enfant victime de grossesse non désirée rapidement possible. Rapidement possible. Ça, je le dis parce que l'article 71 du règlement scolaire dit que les garçons auteurs de grossesse non désirée peuvent réintégrer l'école l'année scolaire suivante. Si cet auteur est élève... Mais il y a des fois où l'auteur n'est pas élève. Non, je parle élève pour montrer combien de points de mesure. Parce que les deux enfants s'origent par le même règlement. Pourquoi sanctionner? C'est aussi une exclusion basée sur le genre. Le gouvernement burundais n'accepte pas ça. La loi bannit ça. Alors, on ne peut pas alors assister à éducation inclusive en même temps une éducation exclusive. Les deux à la fois, on ne demande pas ceci et cela. On doit protéger l'enfant contre toutes sortes de violences, y compris les violences institutionnelles, y compris les violences émanant de ses propres parents. On ne doit pas assister, ça je le dis parce que on l'a dit même maintes fois, le ministère est au courant, le Parlement est au courant. J'ai vu dans des questions orales posées au ministre, un jour, cette question figurait sur la liste. Alors, quand je vois toujours la mesure en vigueur, je me pose la question. Est-ce que c'est vrai l'éducation inclusive? Ici, je veux parler sur la qualité. Quand on parle de la qualité, il faut parler... des enseignants, tout d'abord. Est-ce que aujourd'hui l'enseignant qui enseigne dans les sciences, on dit les sciences, on a regroupé autant de cours, on a dit les sciences, on a regroupé autant de cours, les langues. Donc, c'est-à-dire que l'enseignant est devenu polyvalent. Non, ça c'est purement technique. Donc, les sciences, les langues, c'est enseigné par... Donc, c'est Un seul. Français, Kirundi, anglais, un seul. Vous comprenez que ça n'a pas de sens. C'est la raison pour laquelle, dans l'enseignement privé, pour contourner la mesure. Ok, si les bulletins, c'est respecté, mais à côté, ils ont des bulletins parallèles qui montrent la géographie, l'histoire, biologie, chimie, et mettre ensemble sur le bulletin exigé par le ministère de l'Éducation pour échapper aux sanctions. Alors, dire que la qualité dépend à la formation dispensée. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport au défi, M. Alexis Ndayizeguiye, psychopédagogue? Il y a des défis parce que, comme les autres venaient de le dire, il y a un grand problème actuellement à cause des chiffres très élevés dans une seule classe. Les enfants qui rencontrent des difficultés, dont le profil de l'enseignant et le profil d'apprentissage ne collaborait pas, ne trouvait pas un soutien efficace. L'enseignant n'a pas de temps pour suivre les enfants faibles. Par exemple, dans une école où l'enseignant devrait en général enseigner 40 élèves dans les normes internationales. Mais actuellement, l'enseignant qui suit 120 élèves ou 100 élèves ou 80 élèves, il y a 60%. Peut ne pas comprendre la matière. Ou peut, il y a beaucoup de facteurs. Plus le nombre d'enfants augmente, plus les difficultés dépassent la capacité de traitement de l'enseignant. Dans ce cas, ces enfants qui ont un niveau qui ne comprennent pas facilement ne sont pas vraiment accompagnés de façon efficace. Un autre défi, c'est que les parents, à un certain moment, comme les autres venaient de le dire, ce sont des conséquences, à un certain moment, liées au fait que les parents, à un moment donné, ne paient pas le minervoire. À un certain moment, les parents qui ne suivent pas de façon régulière, parce que ne suivent pas de façon régulière l'enfant. Régulièrement, parce que les parents, à un certain moment, se lancent dans des activités, bien sûr, d'une façon normale, mais à un certain moment, on observe qu'à un certain moment, les parents ne parviennent pas à suivre régulièrement. Il y a même des parents que qui ne connaissent pas l'enseignant de son enfant qui parle. Et oui. Et c'est dans ce cas, il y a aussi d'autres facteurs, c'est que les enseignants aussi ne trouvent pas l'opportunité d'être recyclés. Il y a la responsabilité des parents. Oui, la responsabilité des parents et aussi le recyclage des enseignants qui doit être vraiment en fonction surtout des défis du moment. Parce que les enfants, par exemple, l'éducation, avant 10 ans, il y a eu des modifications, il y a eu de nouveaux défis que les enseignants rencontrent alors que ces défis n'existaient pas auparavant. Par exemple, le traumatisme, il y a des choses, il y a des thématiques, des aspects qui se multiplient et l'enseignant devrait donc être au courant. Voilà. Et pour ceux qui nous auraient capté en cours de route, et je rappelle que le débat mosaïque aujourd'hui portait sur l'éducation pour tous au Burundi, état des lieux, défis et perspectives. Nous nous sommes référés à la journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin depuis 2014 et avec comme pour thème de l'année « Éducation pour tous en Afrique, l'heure est venue ». Cette émission est réalisée par la radio-télévision Isanganiro en collaboration avec la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH. Et tant que nous y sommes alors au Burundi, quelles seraient les perspectives? Et je vais commencer par vous, Monsieur le Président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, Dr Sixte Vigny Nimuraba. Vous pourriez émettre des recommandations pour cette éducation pour tous, une éducation inclusive et de qualité pour que ça soit une réalité dans le pays. Voilà. Pour qu'il y ait éducation pour tous, je dois souligner que l'aspect économie doit prendre le devant pour que les enseignants soient confortables. Ce serait difficile d'obliger des enseignants à continuer à prester tout le temps alors que vous savez que le soir, il ne va pas avoir à manger. Ça vient aussi pour renforcer le fait Ici présent, Alexis Ndayizeguiye a dit tantôt qu'il y a des enseignants qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts du mois. Ce ne sont peut-être pas les seuls dans le pays, n'est-ce pas? Oui, mais il faut le dire, tout vient de l'éducation. Si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a des enseignants qui se sont donné corps et âme pour que nous soyons là où on est. Mais aussi, on aime dire que Auparavant, l'enseignement était bon, que les gens étaient très intelligents, mais on oublie que dans les internats, on avait la nourriture, on avait des boîtes de conserve et tout consort. Mmh. On avait des blancs qui venaient pour dispenser des cours et tout consort. Donc, il faut qu'on le dise. Ça, c'est la première chose. Mmh. Mais aussi, il faut le renforcement des capacités. Quelqu'un a parlé avec moi en rapport avec le recyclage des enseignants. Mmh. Il faut que les enseignants puissent avoir des opportunités d'échange d'expérience pour voir où est-ce qu'on pratique une meilleure éducation, comment est-ce qu'ils le font. Mais il faut aussi augmenter le matériel didactique, les ordinateurs, les autres instruments qu'ils doivent utiliser, mais aussi rendre accessibles les classes pour qu'on puisse favoriser aux gens avec des besoins spécifiques pour pouvoir avoir accès. Et donc, tout ça, ce sont des choses que si on ne prête pas attention à ça, on risque vraiment de continuer dans la même pratique. Que devrait être la responsabilité de l'administration au niveau local? L'enfant sur une colline qui ne va pas à l'école, l'administration au niveau local devrait en tout cas agir. On a déjà dit ça. On a dit que, au fait, l'éducation, pour que ça réussisse, ce n'est pas l'action seulement de l'enseignant. Il y a des parents qui doivent aider. Je sais que dans pas mal d'écoles, on donne des devoirs à domicile. Et l'enfant doit apporter ça et être aidé par son frère ou bien ses parents. Mais aussi la communauté. Donc, la communauté doit prendre en main cette éducation. S'il faut qu'on aide à sensibiliser pour que toutes les personnes puissent, tous les enfants puissent aller à l'école, mais aussi, pourquoi pas, donner des sanctions dans la société pour dire si vous ne faites pas ça, donc on va vous bannir de telle communauté. Ça, ce sont des choses que si la communauté se lève, et je pense qu'ils ont même commencé la construction des écoles, ça c'est pour la majorité fait par les communautés, mais aussi il y a là où on a même payé des vacataires pour qu'ils puissent aider. Donc la communauté et l'administration aussi doivent contribuer pour qu'on puisse avoir une éducation pour tous. Je ne peux pas rater de dire que pour les enfants à qui on donne de petits jobs, de petites activités dans les ménages et tout consort, si la communauté est sensibilisée et que l'administration punit sévèrement les gens qui profitent de ces enfants, ça peut contribuer. Mais aussi, faut-il souligner, il y a beaucoup d'enfants qui sont acheminés dans les pays limitrophes pour travailler. Donc, l'administration doit être responsable pour d'abord mettre sur pied des barrières à ce que ces gens vraiment restent et même continue à aller à l'école. Avant de me rendre, Monsieur Alexis Ndaïziguié, avant de me rendre chez les deux intervenants ici, dont la représentante du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique et la SOGEPAE, permettez que je vous pose cette même question. Des perspectives, selon vous, pour que cette éducation pour tous au Burundi soit réellement observée? Merci beaucoup. La première chose que je peux citer, que j'avais d'abord oublié, c'est le système. Il faut que le système d'évaluation vraiment soit changé. Le système d'évaluation soit changé. Donc, éviter ces questions de choix multiples, vraiment. Ça rabaisse vraiment le niveau de travail et de motivation pour les enfants. Deuxième chose, c'est quand on change le programme, on devrait d'abord consulter les enseignants parce que ce sont ceux qui vont mettre en pratique ce programme. Et les autres perspectives, c'est dans le but d'améliorer donc la qualité de l'éducation. Ça concerne vraiment relever le niveau vraiment des enseignants, le niveau qui va permettre à l'enseignant de bien transmettre les apprentissages, et aussi relever aussi le niveau, impliquer aussi les parents, impliquer aussi les parents, parce que le ministère de manière générale, le ministère de l'Éducation ne devrait pas travailler dans les écoles seulement, devrait aussi travailler dans les parents pour que les enfants soient préparés dans leur famille et aussi avant d'arriver à l'école, soient bien préparés au niveau de traitement des enfants, dans la façon aussi de les éduquer avec plus de ressources éducatives et de résilience avant qu'ils commencent la scolarité. Dans ce cas, les enfants vont venir à l'école avec des cerveaux bien outillés, préparés, capables d'affronter les apprentissages et aussi de surmonter les défis qu'ils vont rencontrer à l'école. Par exemple, tu peux ne pas trouver un enseignant qui vous a enseigné convenablement. L'enfant aura des ressources lui permettant d'aller fouiller ailleurs. Il faut préparer les parents, il faut préparer aussi les enseignants et aussi regarder dans lequel le contexte des enseignants dans lequel ils ont été recrutés avant les années 2015. C'est-à-dire que personne qui n'a pas d'emploi prester dans l'enseignement. Il faut donc penser aussi à recycler davantage à ces gens-là et aussi pour augmenter donc la qualité de l'éducation. Et aussi, comme l'autre vient de le dire, penser aussi à relever le niveau de vie des enseignants. Un mot à placer, David Ninganza de la SOGEPAE. Oui, c'est le plaidoyer. C'est plaider pour qu'il y ait la loi sur l'obligation scolaire. Ça, c'est un. Comme ça, ça doit réduire sensiblement ceux qui se désengagent, ceux qui déscolarisent les enfants. Autre chose, c'est la suppression de quelques frais exigés par l'école, alors que l'école est gratuite. C'est aussi la constellation de la langue de formation, le français. Parce que vous allez voir que dans certaines sections, on a une heure de français. C'est vraiment grave. C'est aussi évaluer l'école fondamentale. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le moment de continuer ou de penser à autre chose ou retour à l'ancien système? C'est aussi plaider pour qu'il y ait la sensibilité chez ceux qui manipulent, ceux qui affectent les budgets. Ici, je vais parler à le ministère de Finances et aussi les partenaires éducatifs qui est de le gouvernement. Il faut qu'ils passent aussi à fournir plus d'efforts pour garantir l'éducation pour tous et aussi de qualité. C'est aussi améliorer les infrastructures. Il y a des infrastructures qui ne sont pas adéquates et d'autres qui nécessitent des réparations. Ici, je veux parler, par exemple, des salles de classe qu'on a ajoutées alors qu'on n'a pas pensé aux latrines. Donc, cela affecte les enfants au niveau de l'hygiène et assainissement. J'en profite même pour solliciter qu'il y ait revoir des structures au niveau du ministère de l'Éducation. Ici, je vais parler de l'organigramme. Parce qu'aujourd'hui, faudrait-il continuer avec l'ancien système ou bien faudrait-il avoir une direction générale chargée de l'hygiène à assainissement et assainissement? Parce que le ministère de l'Éducation a une très grande population qui nécessite des spécialistes de ne pas faire recours derrière les TPS du ministère de la Santé. Donc, le technicien pour la promotion de la santé. Je pense du reste, c'est mobiliser des fonds auprès des bailleurs. Le gouvernement peut donner une orientation aux bailleurs qui s'orientent dans la protection des enfants et aussi dans le développement, surtout l'éducation. On peut canaliser et orienter les donateurs, les bailleurs. Quand je dis l'obligation scolaire, ça peut ouvrir grandement les portes pour nos donateurs. Souvenez-vous, quand on a accepté la gratuité, qu'on a laissé les dettes que le Burundi avait et d'autres faveurs. Ça peut réduire sensiblement les maux et ça peut inciter les partenaires techniques et financiers, les donateurs qui peuvent appuyer le gouvernement dans cette œuvre louable qui sera considérée vraiment que finalement l'école est inclusive, qu'il y aura au moins moyen de chanter avec vivacité l'école, l'éducation pour tous. Merci. Et je vais donc en venir vers vous, Madame Marizi Hatungimana, du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Ces plaidoyers, ces recommandations, c'est adressé à vous, à votre ministère. Qu'est-ce qui devrait être fait? Merci. Et qu'est-ce que vous pourriez faire au sein du ministère? Merci beaucoup. Avec l'éducation pour tous, je vous dis franchement que l'apprentissage devrait commencer avec la petite enfance. Ça ne commence pas avec l'école, ça commence avec la petite enfance. Et si la petite enfance est réussie, même les apprentissages ultérieurs sont vraiment sans défi. Et par conséquent, même les abandons scolaires sont réduits au minimum. Alors, avec cela, il faut toujours travailler avec la communauté. Ce n'est pas seulement le directeur ou bien l'école ou bien les enseignants qui vont travailler à la maison. Vous voyez, aujourd'hui, l'enfant, il quitte l'école, il rentre à la maison. Arrivé à la maison, on observe qu'aujourd'hui, les parents sont un peu, je dirais, qu'ils ont, les enfants sont laissés eux-mêmes à la maison. Alors, lesquels les parents devraient continuer là où les enseignants ont arrivé. C'est-à-dire que les parents devaient appuyer, devaient contribuer dans l'éducation complète de l'enfant à la maison. Mais ce ne sont peut-être pas tous les parents qui sont capables d'enseigner ces enfants, donc d'aider ces enfants dans l'apprentissage. Oui, je comprends. Ce n'est pas dans l'enseignement, dans l'encadrement. OK. Que ce soit l'encadrement de façon globale. Il faut que les enfants ne soient pas laissés à eux-mêmes quand ils sont à la maison. Souvenez-vous que dans les années antérieures, si je vois le tour de la table, ceux qui sont sur le tour de la table, nous avons étudié avant et après-midi. Et les avant-midi, c'était concentré dans les apprentissages. Et après-midi, c'était pour faire asseoir les acquis qu'on a eu dans l'avant-midi et renforcer pour avoir quand même le niveau. Aujourd'hui, les enfants, ils rentrent à midi, ils sont à la maison et les parents s'occupent d'autres choses et non pas ces enfants. Et les enfants sont appelés à suivre beaucoup. Souvenez-vous que les enfants d'aujourd'hui, à la maison, il faut beaucoup de choses et non pas ceux qui ont vu à l'école. Ils sont appelés à manipuler les téléphones, à observer les télévisions. Et ce qu'ils observent dans la télévision ou bien dans la machine, ce n'est pas toujours constructif. Ce n'est pas toujours instructif. Pour dire que l'encadrement de façon globale à la maison est toujours nécessaire. Alors, il faut appeler à toute la communauté. Le ministère a tout fait, même si on a dit que ce n'est pas, obligatoire. Avec les comités de gestion de l'école, avec la composition de gestion de l'école, il y a les enfants, il y a les enfants quand ils sont à l'école, il y a aussi les parents, il y a aussi les administratifs, c'est-à-dire les représentants de l'administration territoriale. Dans ce cas, il faut que tout le monde travaille convenablement pour l'intérêt de l'enfant et non pas pour l'intérêt personnel. Alors, aujourd'hui, je dis que l'avenir du pays doit toujours baser sur l'avenir de l'enfant, sur la qualité, sur l'éducation de l'enfant. Alors, si on ne travaille pas depuis la petite enfance, je dirais que les premiers jours sont très importants dans l'avenir de l'enfant, dans la personnalité totale. Donc, il faut qu'on ait un développement intégré dans tous les aspects pour l'avenir du pays, pour l'enfant. Merci beaucoup. Et c'est donc par ici que nous mettons un point final à l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Nous disons merci à nos invités, Marizi Hatungimana, directrice de l'éducation préscolaire et de la petite enfance au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, David Ninganza de l'organisation Sogepaye, œuvrant dans le domaine du droit de l'enfance au Burundi. Et il y a aussi Alexis Ndayizigiye, psychopédagogue, ainsi que Dr Sixte Vigny Nimuraba, président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle. Merci à l'équipe technique, le duo Albert Nduwayo et Innocent Bibonimana. Vestine Boutoyi était à la réalisation et à la présentation. Vous étiez avec Léonce Bitario. Restez branchés, nos programmes continuent sur Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.